Ok, si vous écoutez Pop & Rock de temps en temps, les lundis ou les jeudis soirs, vous devez vous dire que Pop & Rock a changé de programmateur musical tellement ce début de radio est latino. Mais non, même pas. Comme d'habitude, Pop & Rock se programme en tenant compte de tout ce qui nous entoure. Et au Sun Café de l'aérodrome de Rouen, l'ambiance latino m'a fait retrouver de vieux trucs du fin fond de mes playlists, comme le Everlast qui arrive tout de suite. Lobs out, he replied. God forbid you ever had to walk a mile in his shoes. Then you really might know what it's like to sing the blues. Yeah, then you really might know what. ringing from a kid named Tom who said he was in love. Said, don't worry about a thing, baby, darling, the man you've been dreaming of. But 3 months later, he said he won't date or return her call. And she swear, goddamn, if you find that man cutting off his ball. And then she heads for the clinic and she gets some static walking through the door. Call her a killer, and they call her a sinner, and they call her a whore. God forbid you ever had to walk a mile in a shoe. Cause then you really might know what it's like to have to choose. Then you really might know what it's like. Then you really might know what it's like. Then you really might know. Ce soir, on s'est fait Campai Segundo, Santana et à l'instant Everlast, as de la guitare qui précède un dernier Guitar Hero pour ce soir. Rappelez-vous du Parisienne de Gary Moore. Michelle and old Beaujolais wine. I recall that you were mine in those Parisian days. Thank you. looking back at the photographs, those summer days spent outside cold, okay. Ooh, I could write you paragraphs about Il est clair que programmer un pop and rock, c'est partager avec vous mes humeurs, mes rencontres, mes coups de cœur. Et du coup, on peut passer du Gary Moore à l'illustre inconnu natif d'une contrée magique, Nosfell. The Montreux, so climb the Kim, so got the fellas. Nashville, I be a la fella. The jaw it fell, him die a carunda. Gumba fazer the magic gets a port pella, don't fair glabby chair. She's black labby chamoon, and the global chairs, yeah. Yeah, for my ear, black and he's the cable, so long the fellas. Sin, sun and lovely on a perfect blue-eyed land. I see him shine. Magic, magic, magic hand. Let me clean your nails. My hands are hurt and weird. Wish I could have hands like yours on my cheeks and a beard. I see my, I see a yes. If I clean my hands, if I clean my hands. If I clean my hands, she must say yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. If I clean my hands, she must say yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. If I clean my hands, she must say yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. If I clean my hands, she must say yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. If I clean my hands, so light to go man up until I'm going to the air. Honey, galende, so long, da, kakoe. Bin da la vela, se a kunzada. She must say yes, yes, yes, yes, yes, yes. Les applications musicales qui sont au fond de nos mobiles nous espionnent, nous suivent, nous pistent. Mais parfois cela a du bon car elles peuvent de temps en temps nous proposer un étrange groupe belge du nom de Glint qui invite un encore plus étrange artiste flamand ou pas, comme Dan, et ça donne The Dark. Afraid of it, whatever they did, every time we throw a fit, nothing to be done, they had to leave the little light on, or else our little John would go ballistic, sure as a gun. As years went by, it stayed that we did try, what he despised, it's not the dark but what it hides, all the monsters that live inside, reside in the pit of his own mind, can't be ignored, they won't be denied, so we had to look him dead in the eye. You will go where no one wants. Deep down, where you weep. Come to Danny. Allez, on va être clair, Glintz, ce n'est pas ma soupe, mais dans son dernier album, il y a des trucs tout aussi étranges que séduisants. Alors laissez-vous tenter afin d'ouvrir vos cervelles à d'autres choses musicales. Mais en attendant, Pop & Rock va reprendre son fil plus habituel, car je viens d'apprendre que Children of the Sun va sortir un nouvel album, puisqu'en avant-première, on peut écouter Come With Us, des potes de Pop & Rock, Children of the Sun. The feeling is strong. Je sais que la voix off va me le reprocher, mais ouais, dans Pop & Rock, on a des chouchous, on en a même plein. De Children of the Sun à Bob Mould, en passant par les Belges qui, pour moi, sont la découverte de ce début 2023, on se fait à nouveau les Black Box Revolution. No place to hide away. Better be noble and get things straight. Set the rules, rate your risk. Think before you place your bet. Be my ally, my enemy. We'll play it hard, no in between. Cut the line, Vous êtes bien en train d'écouter Pop & Rock sur la très locale RVR au 104.6 sur Rouen et son bassin. Et ce soir, même tout de suite, on va replonger dans les années 80. Ouais, dans Pop & Rock, on est des vieux cons parce qu'on adore que les très vieux U2. Right. Ok, la bande à Bono vieillit, la bande à The Edge sans bourgeoise, mais bon sang, si leur vie avait plus ressemblé à celle des Stones, ils nous feraient encore des titres à la Dynamite comme The Refugee. Yeah. clair, si notre programmateur peut être un vieux con, il ne l'est certainement pas lorsqu'il nous envoie encore du YouTube. On est pas mal dans les années 80. Ok, t'es sûr? Eh ben on prolonge. We'll be right back. Johnny. Train came to town, boy, she got on it. But without looking back, there was barely a word that she said goodbye. I never heard, but the noise goes on. The noise that jazz. She was in somebody else's hands. And the house that a girl called Johnny built is now just so much ashes and sand. Ashes and sand. Ashes and sand. Ashes and sand. Et t'as raison la voix off, pour moi les années 80 c'était d'abord des groupes anglais. Et pour se quitter, on reste encore au Royaume-Uni car même à l'époque de la Thatcher, la scène musicale était mille fois plus riche que celle du pays cocardier. Allez, sur ce, bis à tous. my